Salut Charline. Ah bah ils t'ont laissé quitter Bruxelles. Ouais ouais, c'était bizarre, il y avait personne dans les rues. Moi si j'étais allemand, je retenterais le coup maintenant. En deux heures la Belgique est annexée. Ah bah en tout cas c'est un bon sujet. Oui, c'est qui l'invité? C'est Patrick Sébastien. Génial. Mais il est au courant Didier Varro? Non mais moi j'adore Patrick Sébastien, mais c'est parce qu'il est un citoyen impliqué. C'est un mélange entre Nicolas Hulot et Bézu. C'est ça. Et puis les Français l'adorent. Non mais attends, les auditeurs d'Inter musicalement, ils sont quand même plus Violet, Miossec, Christine and the Queens. Ouais, mais ça c'est du marketing. Tu sais quoi, on a qu'à dire qu'on reçoit Patrick and the Sardines. Ah oui, pour chanter son tube The Bonhomme in Moose. Et voilà, voilà. Et tu lui poses des questions très France Inter. Hein. Dis Patrick, est-ce que c'est l'album de la maturité? Ça, je crois pas. Tu crois pas quoi? Je crois pas que c'est l'album de la maturité. Ah bon? Disons que j'ai bossé l'album et puis le premier mot qui me vient en écoutant les chansons, c'est pas maturité. Je sais pas, une autre question. Attends, j'en ai une. Patrick Sébastien, est-ce que dans votre côté clown triste, il n'y a pas une vision nietzschéenne du monde? Ça, c'est une bonne question. C'est pas mal ça. Moi, j'ai pas compris. C'est pour ça, c'est une bonne question. Oui, évidemment. Voilà, on a un sujet, on a l'interview, c'est bon. C'est bon, je vais chercher du rosé, des chips et on s'écoute l'album de Patrick ensemble. Excellent. Non, pas excellent. On reçoit un grand pro, je veux qu'on fasse une émission pro. Tu remarqueras qu'il chante à la fin de ses émissions, donc pas avant, donc allez, hop, au boulot. Ils auraient dû te garder à Bruxelles. Écoutez, moi je pose ma première question. Bon, vas-y. Patrick and the Sardines, bonjour, votre vision nietzschéenne de la musique nous a transcendés. Est-ce dû à une inspiration wagnérienne ou à l'importance du surnom? Non, mais là, c'est peut-être quand même vachement trop France Inter. Ah non, ça c'est France Culture, là. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui emmène l'actualité au bistrot. Et voici les trois informations qu'on va mettre dans tous leurs états d'urgence jusqu'à 18h. Les élections régionales sont maintenues. Nos politiques resteront-ils dignes dans la campagne qui démarre officiellement aujourd'hui? Mais enfin, dans les faits... Pas beaucoup de suite, quoi, voilà. Hier soir, en Belgique, la police et les autorités ont enjoint les médias à couper le robinet à info. À BFM TV, cela rappelle les heures les plus sombres de l'info en continu. Écoutez, laissez la police faire son travail. Dès que j'aurai de plus amples informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés. Commissaire, à Paris, la grande marche pour le climat n'aura pas lieu. Alors les ONG ont inventé un défilé virtuel et, je cite, artistique entre République et Nation. Et alors, vous êtes tous mis d'accord pour sauver le monde qui court à sa perte, là? Et pour ma compagnie, voici le beau gosse de la vanne qui a une gueule d'artiste, c'est Alex Vizorek. Vous en faites beaucoup trop, mais j'aime ça. Bonjour Charline Vallonacker, et aujourd'hui autour de la table, une belle équipe. À 17h20, l'homme qui nous a scotché vendredi en faisant une chronique entièrement chantée, qui nous a valu sur Facebook ce commentaire de Ludo Jospin. Thomas VDB, vous faites beaucoup de mal à la chanson française, mais putain que ça fait du bien. Bonjour Thomas VDB. Bonjour, c'est qui Ludo Jospin? C'est quelqu'un de bien inspiré. De quoi vous en parlez aujourd'hui? Eh bien, je vais tout simplement, une fois n'est pas coutume, parler de l'album de notre invité. Ouh là là, à 17h30, l'homme qui a eu droit à une page entière dans le journal de Saône-et-Loire avec ce titre « J'assume ma subjectivité ». Moi, je suis tombé sur mon cul. Il est subjectif, Guillaume Maurice. Oui, pareil. Bonjour Alex, bonjour Charline. Moi, je me suis intéressé aujourd'hui au plan de lutte contre les SDF. Pas contre le mal-logement, hein, contre les SDF, avec notamment le mobilier anti-sans-abri. C'est le banc de ville senior, puisqu'il a deux accoudoirs au milieu. Donc, du coup, voilà, ils peuvent pas s'allonger. Et bam! Prenez ça dans la face, les feignasses de pauvres. Et à 17h40, notre sportif, l'homme qui aurait pu être engagé pour figurer dans le calendrier des dieux du stade. Il avait toutes les qualités pour écrire les légendes sous les photos. C'est Samir Bouadi. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous et à tous. Je vais vous parler de Jonah Lomu, un des plus grands joueurs de rugby de tous les temps. Ça tombe bien, parce qu'on a un invité qui connaît un tout petit peu le rugby quand même. Oui, un référent du rugby et de la République qui a accepté de présider cette émission. Vous êtes né sous René Coty, mais ça fait vintage comme ça, mais c'est pas si loin. Vous présentez Carnaval sur TF1 en 84, c'est l'année où Thierry Leluron chante l'emmerdant, c'est la rose. Vous êtes né chez René Coty, vous présentez Carnaval, et alors au milieu il s'est passé des trucs, tu sais. C'est vrai. Vous avez fait 17 au bac philo notamment. Ouais, c'est vrai. Vous lancez le plus grand cabaret du monde en 98, quand Martine Aubry lance son fameux numéro Les 35 heures, et vous publiez un roman sous le pseudo de Joseph Lubski en 2007, quand le Centre prend lui aussi un nouveau pseudo qui s'appelle Le Modem. Et vous êtes, je vous laisse nous le dire de votre voix reconnaissable entre toutes, vous êtes... Je sais quoi ? Votre nom ? Vous êtes qui ? Je suis... Mais si, rappelez-vous. Je suis Arthur... Non. Je suis Patrick Bouteau. Dis oui, Patrick Sébastien. Mais Patrick Bouteau est avec nous. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Patrick Sébastien est avec nous et Patrick Bouteau aussi parce qu'on on cherche à connaître un peu mieux aujourd'hui le citoyen. Patrick Sébastien. Ça m'a fait rire votre intro tout à l'heure. Prenez Coty ou Non, tout le truc avant, ça me rappelle les mecs qui disaient les coiffeurs, c'est tous des pédés. C'est à peu près de ce niveau-là. Vous voulez dire les clichés. C'est pas un cliché. Vous les assumez en plus, vous Bonjour jouez. Niels. Non, j'en joue, mais c'est marrant de voir l'intelligence tomber dans ces travers-là. Ça m'a toujours étonné. France Inter elle-même a des clichés et les assume. Ah ouais. Et nous, on joue avec aussi, on parlait de chansons, pour être programmé sur France Inter, tu chantes pas en turc à ta compagnie. T'as quand même du mal, hein. Mais c'est pas grave. Je pense que si vous vous mettez au stérilet afghan, il y a moyen. Ouais, je crois que je peux y arriver. Bon, en attendant, c'est pas sûr qu'on arrive à vous écouter sur France Inter, Patrick Sébastien. Ça, je m'en fous. Mais on sait. Et si j'ai croisé quelqu'un dans le couloir à une époque, il y avait un mec formidable qui s'appelait Jean-Louis Foulquet et qui faisait toutes les nuits ici et qui recevait aussi bien Higelin. On était tous mélangés. Il y avait Brassens, il y avait Higelin, il y avait moi, il y avait Bézu même, tu vois, effectivement. Et ça, c'était vachement bien. C'était ouvert. Vous êtes là. Et chacun, mais chacun en apprenait des autres. Le mélange était vachement bien. J'adorais ça. Mais justement, nous, voilà, on parle de votre album Patrick Sébastien, Ça va bouger. Ouais. Alors, sorti le vendredi 13. Ouais, c'est par vrai. Hasard. Le même jour que l'album de Johnny aussi. Ouais, c'est pareil. Et oui. Et je me suis dit en préparant l'émission, il n'y a pas un seul Français qui ne connaît pas Tourner les serviettes, Le petit bonhomme en mousse, Les sardines. Ah bah c'est une belle récompense. Pas un Français qui ne l'est pas dans la tête. Même les Belges d'ailleurs. À chaque fois, c'est une chanson que vous installez aussi à la fin de vos émissions, comme Le plus grand cabaret, ouais, etc. Bah c'est ma culture. C'est parce que j'en discutais souvent avec mes copains du rap, parce que j'enregistre dans les studios à Toulouse avec Joey Star, avec mes potes. Ils ont leur culture des villes urbaines. Mm-hmm. Puis moi, je suis né dans des villages où il y avait des fanfares qui jouaient faux, où on faisait la fête. Mais c'est vrai, où on chante. Il y a le côté sud-ouest. Où on chante. Ben ouais, le côté sud-ouest, c'est une culture qui en vaut une autre. Hein. C'était des pays très durs. Et pour nous libérer, on était dans les balles, dans les machins, on chantait. Et tout ça, et je l'ai fait en fait au départ pour m'amuser, tout ça. Il se trouve que je suis disque de platine, je suis désolé. mais non, la vraie satisfaction, c'est de savoir que, d'abord, c'est très difficile à faire. Faire des belles chansons avec des beaux textes, je peux t'en faire 5 par jour, alors que les conneries, avec le petit truc qui tourne dans la tête, c'est infernal. Quand la récompense, c'est d'allumer ma télé pendant le top 14, pendant la Ligue 1, et d'entendre ma chanson dans les tribunes, ça, c'est une vraie récompense. 5 par jour, vous faites des chansons avec des beaux textes? Vous pourriez? Ah oui, je peux, si tu veux, on fait un concours. Est-ce que pour demain soir, on peut avoir 5 bonnes chansons? Si j'ai le temps, on peut faire un concours, si tu veux. Mais alors, Patrick Sébastien, ma vraie formation, c'est ça. Ouais. Ma vraie formation, c'est la philo, c'est les lettres. Et puis en fait, je suis tombé sur un prof de philo qui picolait, qui joue au poker, et qui m'a dit, mon petit, il va falloir que tu te mettes dans la tête une bonne fois pour toutes qu'il faut pas vivre pour penser, il faut penser à vivre. Et on a gardé ça, nous, dans notre tête, et on s'est dit que finalement, ça nous aiderait à vivre mieux. Et j'ai 62 ans, je picole plus depuis 30 ans, alors pas d'alcool, pas de drogue, pas de tranquillisant, pas de psy, et des analyses magnifiques. Alors je me dis que j'ai pas dû me gourer beaucoup. Mais votre regard sur un biolet par exemple. Ah mais j'aime moi. Ah ouais, d'accord. Moi j'aime ces choses-là. Mais moi je Ce qui est du travail, on ne fait pas 5 par jour. Alors la seule chose qui me met vraiment en colère, c'est la suffisance. Tu sais, c'est ce que hélas une époque alors avec des proportions, ce qu'on appelle la race supérieure, les gens qui sont persuadés de... Je suis un vrai humaniste. C'est-à-dire qu'il y a pas une seule personne ici que je considère comme supérieure ou inférieure à moi. Donc il y a des choses que qui ne sont pas ma cam. Tu vois, par exemple, Joey Star, j'aime le mec, parce que j'aime bien le mec, mais je suis pas fan de son truc. Mais je dis pas que c'est de la merde. Voilà. Et alors, mais ça, vous le dites aussi. Je dis pas que cette chanson, c'est de la merde. Je dis que c'est pas ma cam. Voilà. Et il y a plein de trucs qui vous étonneraient, qui sont ma cam. Qui sont, moi, à 2h du matin, j'écoute Guigui par Jonas. Hein. C'est pas, ça a rien à voir avec les serviettes. Hein. Et ce discours-là, vous le tenez aussi dans une des chansons. On écoute. Les chicos, les bobos, ça sonne, ça. Écoute la musique. Moi, je suis toujours là. Et je suis toujours là. Et la fête continue, je lâche rien. Et la fête continue, je lâche rien. Je veux pas rentrer. Et là, vous dites bien, les chicots, c'est les bobos, essayent de me casser les pattes. Ouais, depuis toujours, mais je veux surtout pas cette reconnaissance-là. Hein. J'en veux pas. On avait bien compris. Elle m'intéresse pas. Mais non, parce qu'au début, j'ai fait le complet. J'ai dit, mais pourquoi ces gens qui sont intelligents sans comme ça. Et en fait, je me suis aperçu que c'était pas si intelligent que ça. Il y a peut-être une forme de jalousie, nous aussi, de la part des gens. Moi, je crois beaucoup à ça. Moi, je crois beaucoup à la jalousie, la réussite, tout ça. Il y a une, bah, c'est une éducation aussi. Je te dis, j'ai été élevé dans le partage. J'ai été élevé dans la tolérance, dans le accepter l'autre. Mais comme moi, on m'acceptait pas. Comme j'étais bâtard et qu'on m'acceptait pas, ça m'a fait comprendre qu'il fallait accepter les autres. Vous et... pouvez pas dire que vous n'êtes pas accepté aujourd'hui par la, le grand public. Ah non, non, non, par le grand public. Mais toujours, heureusement que j'ai le public. Parce que j'ai rien d'autre, hein. J'ai pas de réseau. Oui, oui, c'est peut-être complémentaire. Peut-être que votre chanteur n'aurait pas ce grand public que vous avez, mais et doivent être soutenus aussi. En tout cas, je me plains de rien. Et nous non plus. Tout va bien. On est ravis que vous soyez là. Et oui, nous sommes en compagnie de Patrick Sébastien. Il sort un album qui s'appelle Ça va bouger. Et puis vous pourrez aussi le voir dans l'émission Le Cabaret sur son 31 pour passer la Saint-Sylvestre avec vous. En fait, je fais plein de choses. C'est vrai, hein. La seule chose qui m'intéresse, c'est de vivre. C'est l'instant présent. J'ai fait un bilan il y a quelques années en me disant, putain, à mon âge, ce qui est passé est irréversible. Et je peux avoir un AVC demain matin. Donc le présent est un... Donc je fais plein de choses, plus ou moins avec bonheur. J'écris, je fais... Là, je finis mon téléfilm que je vais tourner au mois de janvier avec un mec formidable qui s'appelle Jacques Malaterre, qui avait fait l'Odyssée de l'espèce. On a déjà fait un téléfilm qui avait marché. J'en ai fait un où j'ai écrit un rôle pour Dupond-Moretti, qui est mon copain, qui va jouer son propre rôle. Et je passe de ça à un bouquin sérieux, à l'album qui est là, à une pièce de théâtre que je tourne, que j'ai écrite, qui est à la manière de Pagnol, qu'on tourne un petit peu partout, qui s'appelle Le Secret des Cigales, où les gens pleurent à la fin. Donc c'est... Et là, vous savez quoi? Voilà. On va profiter de l'instant présent. Et l'instant présent, c'est Aerosmith et Run DMC. Je sais, c'est moi qui les ai produits. Avec Patrick Sébastien. Swinging with the balls in school, and your feet flying up in the air, singing, hey, diddle, diddle, with 17h22 et nous sommes en compagnie de Patrick Sébastien. Oh putain, c'est génial. Je vous le fais parce que c'est moi qui le fais le mieux. Hein. C'est moi qui l'a fait le mieux, je promets. Et autour de la table, que des caricatures d'eux-mêmes. Nous avons Thomas VDB, nous avons Samir Bouadi et Guillaume Meurice qui a été réglé le problème de SDF parce que franchement, il y en a marre. Hein. C'est bon, c'est réglé. Oh, ça va. Et ouais, est-ce que vous voulez une caricature de l'actualité? Ah oui, ça voilà, on a en boutique. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Johnny Hallyday s'est exprimé sur les attentats et elle a dit qu'il aurait aimé combattre Daesh. C'est une mauvaise idée, surtout que sa tournée actuelle s'appelle Restez vivant. Jean-François Copé a dit du bien de François Hollande, sans doute un coup de Sarkozy pour décrédibiliser Hollande. Et il y aura des brèves tellement courtes que vous ne les verrez pas passer, Charlie. Et on commence par la lutte contre Daesh. Oui, toute la France se mobilise, notamment les supporters de Nice qui ont entonné cette chanson dans les tribunes. Voilà. Bah, c'est clair au moins. C'est le disque quoi? Daesh, Daesh. Entends-tu? C'est comme vous l'aviez compris. Ah bah merci Nice. Merci Nice. Et Johnny Hallyday est également sur le qui-vive. Oui, il a déclaré dans une interview, si je n'étais pas chanteur, je prendrais une arme et j'irais les combattre. Voilà, il aurait également dû déclarer, si je n'étais pas résident aux États-Unis, je prendrais un stylo et je signerais ma déclaration fiscale en France. Voilà, donc vous aussi, si comme Johnny, vous n'avez rien de mieux à faire, allez combattre Daesh. Moi, je peux vous dire que si j'avais pas piscine demain, je prendrais les armes, j'irais. Très bien, je suis sûr. Hier, pendant les American Music Awards, une autre star a rendu hommage aux victimes de Paris, Céline Dion a chanté un vibrant hymne à l'amour. Voilà, la plupart des victimes étant des fans de Eagles of Death Metal, on leur rend hommage avec du Céline Dion. J'imagine que pour rendre hommage à John Alomou, on va organiser une chorégraphie de patinage artistique. Et pendant ce temps, en Belgique, l'enquête continue, Alex. Oui, hier soir, la Belgique était en état d'alerte. La police a demandé aux médias de faire le silence radio sur les réseaux sociaux également concernant les opérations. Et les internautes belges ont fait mieux que ça pour noyer les infos sur les opérations de police. Ils ont tweeté des photos de chats sous le hashtag Brussels Lockdown. Voilà, des chats pour lutter contre le terrorisme. Diesel se retourne dans sa tombe. Et ce matin, la police belge les a remerciés en publiant sur sa page officielle un bol de croquettes. Voilà, mais on n'a toujours pas retrouvé Salah Abdeslam. Comme quoi, en Belgique, on est meilleur pour l'humour que pour combattre le terrorisme. Attentat à Paris toujours, Jean-François Copé estime que de bonnes décisions ont été prises par François Hollande. Oui, il le dit sur son blog. Je ne suis pas de ceux qui hurlent avec les loups. J'étais présent au congrès de Versailles pour écouter le discours du président Hollande. Je me suis levé et j'ai applaudi. Voilà, après s'être complètement grillé à droite, Jeff tente sa chance à gauche. Dans une semaine, c'est la COP21, on n'est pas à l'abri qu'ils deviennent écolo. Exactement, autre attentat, celui de Bamako, au Mali. Oui, dans un hôtel Radisson, et on apprend que les terroristes relâchaient les otages capables de lire le Coran. Voilà, et moi je conseillerais aux terroristes de commencer par le lire eux-mêmes, ce Coran. Passons au reste de l'actualité. Sepp Blatter a raconté à la télévision suisse, j'étais tout près de mourir. Oui, il dit, pendant 48 heures, j'étais entre les anges et le diable. Finalement, le diable l'a rejeté, ne voulant pas de concurrence. Il a également dit, Platini est un homme honnête. Oui, si c'est Blatter qui juge sur sa propre échelle de l'honnêteté. Hein, c'est encore un coup dur pour Platini. Exactement. Sport. Le français Grégory Gauthier devient enfin champion du monde de squash après 4 échecs successifs. En finale, la 5e aura été la bonne. Voilà de quoi nourrir l'espoir de François Bayrou. En 2022, les élections présidentielles, c'est dans la poche. Voilà, et nous, franchement, on a impressionné les Belges car on ne gagne jamais au squash. C'est toujours le mur qui gagne. Et on termine par de brèves. Oui, cette triste histoire d'un jeune Australien d'origine vietnamienne à qui Facebook refuse l'inscription. Le réseau social a fermé plusieurs fois son compte à cause de son nom. Ah oui, comment il s'appelle? Il s'appelle Fuck That Bitch. Ce qui veut dire Fuck That Bitch et Facebook croit que c'est une blague. Ah, et on va pas s'arrêter là, Alex. Bah non, je termine par un titre. Russie, lassé de son célibat, il se marie avec une pizza. Qu'est-ce retour que vous voulez de l'information sur France Inter. C'est dans l'actu aussi. Et ça aussi, France Inter, dans les journaux, ils oublient d'en parler. Alors nous, on s'en charge. Il y a des choses graves que vous avez soulevées là, oui. Et on essaye de mélanger un peu tout. Hein, Patrick Sébastien est avec nous. Il a un nouvel album qui s'appelle Ça va bouger. Et puis son émission Le Cabaret sur son 31, qui sera diffusé évidemment le 31 Le 31, du 12. Et puis aussi, en décembre, je suis tout le temps, parce que ben, la Fiesta a été remise. L'émission qui votre émission le 14 qui a été déprogrammée. Qui est vraiment une émission béton. Et c'était quand même inenvisageable de la passer le lendemain. Alors écoute, tu sais, c'était une... Bien sûr, la première réaction que j'ai eue, j'ai dit, on me fait sauter ça, c'est pas possible, on peut pas faire la fête. Puis en deuxième temps, je me suis dit, et si justement on ne montrait pas à ces enfoirés qu'ils ont gagné, c'est-à-dire si on faisait voir que la vie est plus forte que ça, que la vie est plus forte que la terreur. On n'a pas encore les épaules et le cœur assez solides pour faire ça. Mais moi, tu vois, par exemple, je me joins pas du tout au... à la compassion publique ou l'indignation publique sont des choses qui me... Ma compassion, elle est réelle, évidemment. Mon chagrin, il est réel, évidemment. Mais je trouve que les artistes sont là, au contraire, pour sortir, de remettre les gens dans la vraie vie. Je trouve que c'est beaucoup plus important qu'on remette les gens dans la vraie vie. Parce qu'autrement, on se fait complice de... Les mecs qui terrorisent, ils veulent terroriser. Tout ce qu'on fait derrière qui appuie, qui ça amplifie cette terreur. Moi, je vois ma gamine, je vois les gens, je vois cette espèce de boule. Alors que notre rôle à nous, c'est justement, c'est pas oublier de les sortir de ça. Notre rôle, ça ne devrait être, d'ailleurs, je vais arrêter d'en parler, on va chanter, mais notre rôle, ça ne doit être que, eh ben, faire oublier aux gens que c'est pas beau et justement, au contraire, balancer des sourires, des sourires, des sourires et des sourires, parce qu'il faut être vivant, bordel. Et le rôle voilà. du politique, pourquoi pas, on va en parler tout de suite, avec le premier sujet, rapidement, la campagne officielle pour les régionales débute normalement, officiellement, aujourd'hui. Mais dans les faits, nous sommes loin d'avoir fait le deuil. Et puis, il y aura l'hommage national rendu aux victimes vendredi. Alors, en attendant, les politiques essayent de se contenir, de contenir le début de la campagne, c'est dire si samedi, ils vont se lâcher. Allez, c'est parti. Allez, Christophe, on va dire, mon garçon. Oui, tu vas le faire. Tu vas le faire. Alors qu'il était parti très mal. C'est incroyable ce qu'il a fait, le gamin. Il l'a. C'est un peu comme ça que vous voyez les choses aussi, Patrick Sébastien, c'est-à-dire que donc, voilà, est-ce qu'il y a une forme de dignité en ce moment ? Je fréquente depuis des années, et puis surtout, je suis au quotidien en gala, dans la France profonde, cette France profonde que je connais très très bien. Si tu sais, moi j'en parle sur scène le soir des politiques, si tu savais, je vais un petit peu loin, on me le reproche, mais il y a une coupure totale avec ces gens. Et même de la part des maires, qui sont des mecs formidables, tu sais, qui sont des assistantes sociales, qui sont au quotidien, et qui ont... Les plus proches, en fait. Et qui sont en train de développer une espèce de haine contre tout ce qu'ils voient en haut, qui ne les représente pas, parce que c'est eux qui prennent les scories de tout ça, qui prennent tout sur la figure. Il y a des choses qui sont indécentes. Il y a une mise en examen par semaine, un non-lieu par semaine. Alors le manque de dignité, c'est pas, général. C'est pas du populisme, c'est juste de dire le mec qui veut monter un resto et qui fout sa chaise à 10 cm trop près de la porte de sortie, on va le faire chier, il va pas pouvoir monter son truc. Et là, il voit des gens tourner des choses, etc. Et puis passer à travers les mailles. Parce que moi, j'en ai pas vu un qui a été condamné encore vraiment. Ils n'ont pas tous non plus été mis en examen. Non, je suis d'accord, mais tu en as à peu près. Il y a un mec qui a fait une analyse l'autre jour qui m'a fait mourir de rire. Il a dit, on a calculé, alors je sais pas si c'est chez vous ou ailleurs, que les Français ont passé 700 jours de leur vie à entendre dire que les Balkany étaient mis en examen. J'ai trouvé ça à mourir de rire. Il y a un côté rassurant, on se dit les choses ne changent pas, tout va bien, c'est une bonne idée. Non, mais il y a une vraie rupture. Après, moi, je suis pas un homme politique et puis c'est pas mon métier, puis j'ai pas envie de l'être. Vous avez failli l'être quand même. Alors voilà pourquoi je l'ai pas été, parce que tu dis j'ai failli l'être. Ça a été tout de suite ça. Vous avez monté. Ça n'était pas un parti. C'est terrible d'arriver, d'avoir un cheval devant toi et d'avoir des mecs qui sans arrêt disent que c'est une vache. Ça sert à je n'ai jamais parlé ni de parti politique. C'était un mouvement humaniste. Entre un mouvement humaniste et un parti politique avec des scandales, il y a quand même une différence. Mais vous aviez pas de volonté de vous présenter à une élection. Mais jamais de la vie. C'est les jours. Et je me suis j'ai arrêté ça parce que c'était infernal. Et là, il y a une déontologie, une malhonnêteté déontologique de dire tout de suite, c'est un parti politique. Non, ça n'a jamais été ça. On n'est pas de candidat, j'ai pas l'intention de me présenter à quoi que ce soit. C'était un mouvement humaniste. Et comment on fait pour déposer les statuts d'un mouvement humaniste On a déposé un truc, je ne m'en suis pas trop occupé vraiment. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de passer la parole. Mais je te rassure, la parole qu'on a passée à l'époque, on continue à la passer aujourd'hui. Je la passe d'une autre manière. Ça s'appelait droit au respect, à la dignité. J'en ai jamais autant entendu parler qu'aujourd'hui. Alors non, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Tout le monde m'est rentré dedans. Il y a plein de gens qui étaient d'accord avec moi, mais ça parlait d'amour, ça parlait de respect, ça parlait de dignité. Il y a un bouquin qui s'appelait Une révolte, pas une révolution. Jetez-y un œil. Vous allez voir plein de choses qui vous concernent aujourd'hui. Et vous allez dire, tiens, c'est marrant. Mais je suis un clown, ça peut pas être pris au sérieux. Donc, par d'autres moyens, je suis arrivé un petit peu à ce que je voulais, c'est-à-dire faire passer ces sentiments chez d'autres personnes d'une autre manière. Moi, je crois à ça, je crois que c'est l'avenir. Maintenant, voilà, c'est manipulé par des gens qui ne croient pas au respect à la dignité. C'est normal que... J'ai voulu passer par les réseaux sociaux, c'est tout sauf respect. C'est pas le bon chemin. Aux choses qui vous concernent. Mais je continue à y croire. Patrick Sébastien va revenir aux choses qui vous concernent avec la chronique de Thomas VDB. Actualisique, c'est une rubrique qui n'est jamais le même jour. c'était vendredi. Et aujourd'hui, c'est lundi. J'adore. C'est le jig. Ah oui. À chaque jour son nouveau jingle. À chaque jour son nouveau jingle. C'est là il est beau. Alors attention. Mais ils t'ont libéré quand ça. Il me récupère toute la semaine, il me lâche une fois par semaine. Alors moi je suis vraiment très content aujourd'hui quand on reçoit Patrick Sébastien, parce que je trouve Patrick Sébastien il est vraiment, enfin disons comment je trouve il est. Voilà, bon, Dion, il est vraiment phénoménal. Là, là, là, là. Pour moi, il mérite. Bon, voilà, c'est quelqu'un qui mériterait d'être dans le journal. Là, là, là, là. Claire Chazal. Là. Dans le journal de Claire. Bon, ce sera un peu compliqué aujourd'hui. Dans le journal de Claire Chazal. Là, là, là, là. C'est vrai que tous autant qu'on est ici, on sera assez étonné de vous voir peut-être dans les Un Rock ou Télérama. Même si on est quand même, c'est gentil de votre part d'être venu vous rejoindre à nous aujourd'hui à France Inter. Alors, Patrick, contrairement à ce que peut-être certains auditeurs pourraient ou sont en train de s'imaginer, il faut savoir que vous et moi, on a beaucoup de points communs. Vraiment, on a, et encore plus, honnêtement, depuis que vous êtes en train de parler tout à l'heure, j'entends qu'il y a beaucoup de points communs. Par exemple, moi, j'adore aussi, faire la bamboula. Il n'y a pas que ça. J'adore aussi boire un coup avec les copains. Mais je la fais plus, moi, la bamboula. C'est vrai. Je la fais faire aux autres. Mais c'est vrai. On a quand même. Voilà. Mais malgré tout, je pense quand même, on a sincèrement beaucoup de points communs. Voilà. Je vous rejoins sur beaucoup des choses que vous parliez tout à l'heure. L'alcool. Alors l'alcool. pas l'alcool. Parce que moi, j'aime bien prendre, trinquer avec les copains, faire la fiesta entre amis, prendre l'apéro entre couilles. Voilà. Ça, c'est des choses que j'aime assez faire. Voilà. Mais donc, je pense vraiment, on a beaucoup de points communs. C'est-à-dire que quand vous faites la fiesta, vous dites on s'en fout, on fait la fête, on se marre, quoi. Voilà. Et je suis d'accord. Maintenant, le seul truc qui m'éloigne un tout petit peu de vous, et c'est pas grave, je dirais, c'est là. Bon, c'est là que je suis pas d'accord avec vous tout à l'heure, c'est la musique. Attention, parce que moi, je suis très fan de musique, mais disons. Ah ben oui, mais c'est pas la même. Oui, mais c'est les 7 mêmes notes que Beethoven, je suis désolé. C'est ça. Mais ils sont pas dans le même ordre. Oh. Voilà, mais faut pas oublier que c'est pas la chronique de Patrick Sébastien. Alors. Eh oui. Mais c'est pas en face de Benjamin Biolay. Ça continue à l'air. Mais je me suis toujours demandé comment font les clowns qui passent dans l'émission de Patrick Sébastien. Parce que des fois, on regarde l'émission de Patrick Sébastien et on entend, pendant que le clown fait son numéro. Tu vois, il est formidable. J'ai découvert dans un festival il y a deux ans. Ça s'appelle animateur. Ouais, je sais. C'est la différence avec présentateur. Animateur, commentateur. Du latin anima qui donne une âme. Des fois de con, mais une âme. Écoutez, en tout cas, c'est vrai que vous faites la fête. On dit, on fait la fête, on rigole. Moi, j'ai écouté votre disque et je sens que vous faites un disque. C'est un peu comme vous faites la fête. Vous allez en studio et vous dites, c'est pas grave, on s'en fout, on fait un disque, on rigole. Quoi, aussi, Voilà, comme je disais, moi, j'aime bien quand la musique, excusez-moi, elle prenait pas mal, vraiment. Moi, elle me donne des frissons, quand elle me fait voyager, qu'elle sort des sentiers battus. Voilà, c'est une question de goût. Le prenez pas mal, Patrick. Voilà, je pense pour avoir des frissons en mettant votre disque, faut l'écouter torse nu dehors en plein hiver. On est d'accord. Mais c'est pas grave pour ça. Mais c'est pas grave, c'est pas fait pour ça. Chacun ses goûts. C'est un disque pour faire la fête. On est d'accord. Tout simplement. Et on s'en rend compte. À 2h du matin, j'écoute Jonas, j'écoute Guigui. Voilà. Mais très bien, mais ça file les frissons. Mais grand bien vous en fasse. C'est un disque pour faire la fête. On s'en rend compte d'ailleurs, Patrick, excusez-moi, mais au nom de la la la la la. Il n'y a que ça. Alors, c'est facile. J'en ai mis un paquet. Mais un paquet. Parce que c'est facile à retenir. Un paquet de beaucoup trop, excusez-moi. Non, alors, on sait qu'en France, ça c'est un truc qu'on adore. C'est quand on fait la fête, on adore dire la la la. Je sais pas vous. C'est aussi. Surtout qu'on retient pas les paroles. Non, mais évidemment. Que ce soit par exemple dans Ça va bouger, une chanson qui parle évidemment du fait que ça va bouger. Donc, voici un extrait. Évidemment, il y en a plein. Que ce soit aussi dans Mon pote Hanouna, qui est une chanson qui parle de votre pote Cyril Hanouna, un petit échantillon. Le disque a failli s'appeler La La La. Ah ben il aurait pu. Mais évidemment, ça a déjà été déposé à la SACEM par le mec qui a fait la chanson d'Interville. Alors, ou tout simplement dans la chanson, on a des pieds pour aller danser, qu'on écoute. Effectivement, c'est pas. Il y a du là. Pas... Mais comme il y a beaucoup de gamins qui écoutent, des tout petits. Mais bien sûr. Là, c'est facile pour eux. On a remarqué que des fois, ça permettait aussi de compléter le nombre de pieds qui manquent. On peut couper les là. Je crois qu'on a déjà entendu. Ah non, beaucoup pas aujourd'hui. Je pense pas. Alors, vous le disiez, Patrick, votre album, il est sorti le 13 novembre. Malheureusement, une date qui, elle, n'est pas très là. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement, l'actualité de ces jours-ci n'est pas très Patrick Sébastien dans l'esprit. J'ai, moi, une petite pensée pour votre attaché de presse et pour le calvaire que ça doit être pour elle d'essayer de trouver des créneaux. C'est votre femme. Ouais, je t'appelle pour savoir si ça t'intéresse que Patrick vienne chanter dans son émission, peut-être la chanson Une petite pipe pourra. L'autre, il savait que c'était compliqué. Justement, détrompe-toi, c'est le contraire. C'est le contraire. On demande beaucoup, justement, en anxiolytique. C'est vrai. Mais c'était pas une question que je vous posais, c'est une vanne que j'étais en train de faire. Alors c'est pas grave. Écoutez, ce que je veux dire, c'est que voilà, en écoutant l'album, Patrick, moi je me dis que votre vie tout entière est une fête. Franchement, en l'écoutant, j'ai pensé à la dernière bulle d'une image d'un album d'Astérix où tout le monde ripaille, buvant et en rigolant. Sauf que le barde, cette fois-ci, il n'est pas accroché à un arbre, il est debout sur la table, il chante la la la la la la la la la. Et voilà, comme là, ça correspond assez bien, parce que le village d'Astérix, ça me va assez, moi, ça. Merci, Thomas VDB. C'est vachement bien. Merci, Patrick. Tu veux pas me refaire ton intro, c'est trop bien. Non, la chanson, là. J'aurai la vidéo. Ça, c'est bien. Merci, Thomas VDB, sur l'album de Patrick Sébastien, ça va bouger. Et donc, il faut, voilà, sortez et allez même aller voir des Belges. Quand j'ai écrit les chansons, je sais à quel endroit elles vont être écoutées. Je sais très bien où elles vont être écoutées. Dans une soirée, dans une fête. Là, en ce moment, sur scène, j'ai des centaines de jeunes, de mômes de 20 ans qui viennent me voir, qui sont déguisés, qui s'en foutent, qui ont juste envie de sauter en l'air, de s'amuser. Je fais le festival de poupées l'année dernière où il y avait 2 fois 4 000 mômes complètement déguisés, complètement fous. C'est assez surprenant d'ailleurs pour moi. Ils se sentent de biche quand même, tu vois. Et je sais pas, ça veut dire peut-être quelque chose. Il y a une insouciance. Les textes, effectivement, enfin, les Beatles, faut pas déconner. Même combat. Non, pas même combat, mais c'est... Il y a c'est de la blagounette, hein. Moi, voilà. J'ai noté dans la chanson. Alors, attendez, je vais vous dire. Je me la pète.com. Mm-hmm. La pintade en talon, botoxée comme un pneu. Moi, j'aime bien. Ouais. Ça. Le bad boy en blouson qui s'est tatoué les cheveux. La mégastar à la soirée des Césars, ce sera pas De Niro. Ce sera Denis Barr. C'est pas faux. C'est Patrick Sébastien avec nous. Et on cesse de vous dire, sortez. Et vous pouvez même aller voir des Belges comme Alex Vizorek ce soir au studio des Champs-Élysées. Ce soir. Ouais. Même s'il est belge. C'est vachement bien. C'est chic, c'est Télérama, ça. C'est super. C'est bien Télérama. Oui. Les insatisfaits, nous sommes les jamais assez, nous sommes les tout de suite, nous sommes les lassés bien trop vite, nous sommes les vacances ratées, nous sommes les amours avortés, nous sommes les choix évités, nous sommes les erreurs oubliées, nous sommes mort-nés, mort-nés. Les bébés en pleine crise, nous sommes les oiseaux dans la brise, nous sommes l'été sans le pastis, nous sommes la mer sans les abysses, nous sommes la vodka et le gin, nous sommes les voitures qui défilent, nous sommes les voix de la raison, nous sommes les enfants sans façon, les enfants sans façon. Nous sommes des cons, mort-nés, si tu le veux, mort-nés, si tu le peux, mort-nés, si t'es d'accord. Nous sommes mort-nés, les Instagrammés, nous sommes les instantanés, nous sommes les sacs monogrammés, nous sommes les monoprix l'été, nous sommes, si tu le veux, nous sommes, si tu le peux, nous sommes. Insatisfait, Holidays, on parlait des artistes avec Patrick Sébastien qui est avec nous jusqu'à 18h. Patrick Sébastien, je vous présente Guillaume Meurice qui fait du comique d'investigation. Comique d'investigation. C'est-à-dire qu'avec l'humour, il fait de l'info, vous allez voir ça. Bah, l'investigation, c'est déjà comique. Quand les mecs qui font des enquêtes où tu vois pas la tête, t'entends pas la voix, nous avons un témoignage à vous montrer. T'as pas la tête, t'as pas la voix. Il y a un peu de ça, mais là, c'est le contraire. Il y a de ça. Alors, c'est toujours l'état d'urgence partout en France. Les alertes à la bombe se multiplient. Les spectateurs d'un concert d'Hélène Ségara ont même dû être évacués avant qu'on s'aperçoive que c'était pas l'alarme qui retentissait, mais bien Hélène Ségara qui chantait. Bref, c'est ça, la panique partout. C'est complètement. Non, je suis payé pour ça. Attention, Patrick. Tout le monde se calfeutre chez soi à la moindre mouche qui pète. Tout le monde, sauf ceux qui font du zèle et qui restent délibérément dans la rue. On les connaît tous. On les appelle les sans-abri. Ils sont là complètement inconscients du danger avec leur petite pancarte. Aidez-moi, s'il vous plaît. Avec tellement de fautes d'orthographe qui ferait passer Franck Ribéry pour Bernard Pivot. Quelle honte. Et moi, j'en ai plein en bas de chez moi qui squattent sur un banc. C'est pénible. Mais il y a des solutions. Il y a des solutions. Il y a par exemple la RATP. Ils ont installé plein de mobilier dit anti-SDF dans toutes les stations de métro. Je les ai appelés pour savoir si c'était c'est efficace. Vrai, ici, moi, à mon niveau, je peux pas vous dire. Alors, à quel niveau il faudrait que je demande? Il faudra envoyer un courrier au service client, je pense. Après, ils feront suivre dans un service. Donc, faut envoyer un courrier. Et après, envoyer un courrier même au siège. Et après, eux pourront éventuellement renvoyer un courrier à quelqu'un d'autre. Oui, voilà, peut-être dire la com ou je sais pas. Mais là, pareil, ils ont l'habitude de faire suivre, de dispatcher les courriers, on va dire. Oui, on va dire qu'on avait bien remarqué que l'administration en France est assez balèze pour dispatcher les courriers. Bon, en tout cas, j'ai envoyé un courrier. Hein, je vous tiendrai au courant dès que je recevrai une réponse. Enfin, si notre émission existe encore dans 8 ans, hein, bien évidemment. Mais moi, je pouvais pas attendre. Hein, il me fallait une solution tout de suite. Et puis, j'ai repensé au maire UMP d'Argenteuil qui avait voulu chasser les sans-abri parce qu'ils sentaient mauvais avec du malodore, souvenez-vous, hein, c'est un produit répulsif qui a la particularité de sentir mauvais. Alors vous allez me dire, bah, attends, c'est complètement con. Oui, j'ai pas dit que c'était un génie le gars, hein, j'ai dit maire UMP, hein, il y avait un indice dans la phrase quand même. J'ai donc appelé la société Firchim France qui fabrique le malodore, mais ils ont pas voulu m'en vendre. Pourquoi ? Il y a eu assez de polémiques à ce niveau-là. D'accord, mais à titre personnel, rien ne m'empêche de l'utiliser pour ça. Après, c'est vous qui faites comme vous voulez, mais nous, pour cette utilisation-là, on ne vous le vendra pas, non. D'accord, mais si je vous dis que c'est pour une autre utilisation. Non, enfin... Après, c'est de votre responsabilité, c'est pas de la nôtre. Voilà, il y a peut-être moyen de s'arranger. Je pourrais éventuellement leur dire que c'est pour chasser les idées qui puent dans la tête de Gilbert Collard, par exemple. Mais bon, si j'en achète moins de 12 000 litres, ils vont pas me croire. Enfin, ça paraît compliqué. Bon, alors peut-être qu'il faut carrément changer le banc qui est en bas de chez moi en lui-même. J'ai appelé directement un fabricant de mobilier urbain pour trouver une solution. Alors, avec un couloir sur le milieu, d'accord, des 1m20. Des 1m20, d'accord. Solution. D'accord. Et alors, il y a bien les accoudoirs au milieu, c'est ça ? Ah non, 1m20, c'est juste au début, à la fin. Et on peut pas s'allonger sur 1m20. 1m20, ils peuvent s'allonger hein, quand même, je pense. 1m20 ? Ouais, ils sont petits. Je connais très très peu d'adultes qui peuvent s'allonger sur un bond d'1m20. Ouais, très très peu, mais il y en a quand même. Hein. Si Nicolas Sarkozy se retrouve à la rue, j'ai pas envie qu'il se fasse un leaking size avec mon bond d1m20. J'ai donc cherché d'autres solutions, toujours avec ce même commercial. Sinon, vous n'avez pas d'autre système ? Vous n'avez pas de système avec des... Je sais pas, avec des pics ou des choses comme ça ? Non, je vais pas avoir. Non, vraiment, je vais pas avoir. Non, la plupart du temps, ben, c'est... Quand on veut éviter ces soucis, où il faut prendre avec des accoudoirs, on prend des fauteuils ou c'est en 1m20. D'accord, sinon oui, c'est fauteuil individuel et là, ils peuvent pas s'allonger. Ouais, exactement. Ouais. Bon, au moins, voilà, un commercial compréhensif, ça fait plaisir. Mais je suis quand même pas convaincu. Alors j'ai eu une autre idée, rajouter des pics sur le banc qui existe déjà, faire en quelque sorte du tuning de banc. J'ai donc appelé un fournisseur de pics à pigeons pour savoir si ça pouvait marcher sur des sans-abri. Écoutez, des pics, voilà, ça va être pour dissuader les gens qui squattent en bas de chez vous. Voilà. Oui, c'est des sans-abri, alors, oui, ils s'installent. Mm-hmm. Ce que je vais faire, c'est que je vais affiner la recherche et vous aurez surtout le modèle existant. Eh ben voilà, un brave monsieur qui voulait bien me rendre service. Ça, c'est pro, des pics, voilà. Alors, le problème, c'est que ça n'élimine pas le problème des sans-abri fakir. Hein, si je mets des pics, ils vont pouvoir répéter un spectacle, puis dans 2 mois, ils se retrouvent chez Patrick Sébastien dans le plus grand cabaret du monde. Hein, ils vont être en train d'écouter du Hélène Ségara. Et mon but, c'est de les éloigner de chez moi, pas de les torturer, hein, je vous rappelle. Bon, dernière tentative, cette fois-ci avec une commerciale de mobilier urbain. On a le banc, alors voilà, le banc à assise inversée. Ouais. Et en fait, si vous voulez, ce banc, normalement, les assises, elles sont toujours un petit peu inclinées vers le dossier. Ouais. Et ben là, celui-là, c'est l'inverse, en fait. D'accord. En fait, l'assise, elle, penche vers l'avant. Ah, donc ils pourront pas s'allonger. Bah, ils peuvent, mais ils vont très vite tomber et... Ah oui, ils vont rouler. Donc du coup, voilà, il y a des chances qu'ils tombent. Donc ils restent pas longtemps dessus. Et ben voilà, là, on est bon. Voyez, on dit que la France, c'est le pays de l'immobilisme. Et ben, c'est pas vrai. On fait rouler les sans-abri qui veulent s'allonger. Et mieux que ça, on les oblige à quitter les centres-villes pour aller mourir plus loin. Voyez, ça bouge. On peut donc continuer à être fier d'être français. Même pas besoin d'attentats, hein. 370 SDF morts dans la rue depuis le début de l'année. Et oui, on vit dans un beau pays où il est plus facile de compliquer la vie à des sans-abri que de tenter de la leur sauver. Merci Guillaume Meurice. Voilà, c'était... À votre service. Bah oui, voilà, service public. Édifiant, cette histoire. Oui. Patrick Sébastien, vous retenez, je le sens. Vous avez envie de dire quelque chose, non? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Sur Hélène Ségara? Non, tu veux rien dire, là, sur le. Sur ça. Il vient de recevoir un SMS qui lui dit, mais c'est quoi ces connards qui arrêtent pas de se foutre de ta musique? Il n'a plus envie de parler. Ça. Bah non, sinon, c'est même pas ça, c'est la curiosité, là. C'est parce que si je viens dans une émission comme ça, je sais très bien que c'est pas de la promo. Parce que les gens qui écoutent vos émissions sont pas des clients de mon disque. Donc c'est aussi par. Et c'est d'autant plus camarade d'être venu. Non, c'est pas camarade, c'est que je m'enrichis de tous les mondes, justement. justement, c'est ça qui fait que je tiens debout. C'est et parce nous, que je m'enrichis. Charmant et si, si, les, si ces gens-là, justement, pouvaient comprendre qu'on s'enrichit aussi de ce qu'on n'aime pas, de ce qu'on n'aime pas forcément, de ce qui n'est pas forcément les goûts. C'est ça que j'aime pas, c'est qu'on dise, c'est de la merde parce que j'aime pas. Non, j'aime pas, c'est pas mon truc, etc. Il y a des trucs qui sont pas mon truc. Mais je suis curieux, moi j'aime bien. Mais oui, nous aussi on est curieux de vous. Et c'est ça être humaniste. On ouvre la focale. Si j'ai un message, si j'ai un message à donner, c'est celui-là. Patrick Soyez ouverts. Patrick Sébastien, allez, un deuxième petit sujet, parce qu'hier soir, pendant les opérations policières à Bruxelles, eh bien les autorités ont demandé aux médias de la mettre en veilleuse. Tous les médias ont accepté et même les réseaux sociaux se sont contenus. S'ils pouvaient la mettre plus souvent. Et se sont montrés responsables. Vous savez, à BFM TV, ils sont encore sous le choc. Hein. Merci Pénélope. Autre chose ? Non, sinon, rappelez que nous essayons de faire notre métier de journaliste le plus consciencieusement du monde. Que ce n'est pas un métier, c'est plutôt un sacerdoce. C'est tellement bon de rire parfois aussi. Un extrait des nuls. Patrick Sébastien, oui, ce robinet à info là, qui nous inonde, vous avez la dent dure contre eux. Je l'ai éteint. Non, c'est pas la dent dure, mais c'est toujours. Hein. Moi, je n'ai jamais été pote avec les journalistes de toute façon. C'est pareil, je ne fais pas de généralité. J'ai plein d'amis qui sont journalistes, qui sont bien, etc. Après, il y a une déontologie. On manque de vrais sages qui imposent une certaine déontologie. Mais vous avez une grosse expérience de la télévision. L'arrivée des chaînes info en continu. Quand tu vois ce qu'on peut faire avec les images, moi je monte mes émissions. Moi par exemple, le cabaret, il y a des numéros qu'on tourne l'après-midi. Et le soir, quand ils se plantent, on met le truc de l'après-midi, ça passe le soir. Les gens sont persuadés que c'est arrivé le soir. Tu te rends compte de ce qu'on peut faire avec les images. Et on sélectionne ce qu'on veut. Là aujourd'hui, dans l'info telle qu'elle est, je pense qu'il y a plein d'actes, mais ils ont raison de le faire. Maintenant, quelle est la raison, quel tort? Il doit y avoir plein d'actes islamophobes qui sont passés sous silence volontairement parce que l'État a demandé que ça soit passé sous silence et avec raison pour pas enflammer le truc. Mais la manipulation, elle est constante. Donc vous voyez d'un bon œil que les médias belges aient stoppé le robinet pendant les opérations policières, comme c'est ça. À un moment, je te dis, moi, ce qui m'embête, alors c'est pareil, on n'est pas obligé de la regarder. Mais j'ai vu beaucoup de choses qui ressemblaient aux gens qui s'arrêtent sur le bord de la route quand il y a un accident ces derniers temps. Mmh. Voilà, c'est ça qui me gêne, c'est appuyer sur ces instincts-là. Bien sûr que moi, le premier, je vais voir le témoignage du mec qui était à l'intérieur du Bataclan. Ça va me faire mal, et ça va m'intéresser, bien sûr. Mais dans une forme de communion, vous voulez dire. Peut-être que si on me le propose pas, je m'en sentirai peut-être pas plus mal. Ça empêchera pas mon chagrin, ça empêchera pas ma compassion. J'ai vu quelques trucs à la télé depuis quelques temps. Ça m'emmerde quand ça devient un spectacle. C'est pas un spectacle ce qui s'est passé. C'est tout sauf un spectacle. C'est abominable, mais c'est pas un spectacle. Et quand on en fait un spectacle, parce que ça en devient quelquefois un spectacle, ça me choque. Alors je suis pas obligé de regarder. Moi j'ai eu ma fille, j'ai éteint la télé, voilà. Et puis on a parlé, et puis on a vu autre chose. Mais ça m'embête quand c'est un spectacle. Mais je changerai pas, c'est comme ça, c'est l'ordre des choses. C'est marrant parce que dans le bouquin que je suis en train d'écrire, justement, je parlais de est-ce que la télévision nous montre une violence de plus en plus présente ou est-ce que la violence est de plus en plus présente parce que la télévision... J'ai écouté sur France Info, parce que j'aime bien écouter, excusez-moi, France Info de temps en temps, il y a Michel Serres, le philosophe que j'adore, et qui disait l'autre jour, un môme de 14 ans, il a vu 24 000 meurtres à la télé. Oui. 24 000 meurtres. Ça veut dire qu'il y a une publicité pour l'assassinat à la télévision. Il y a un truc qui est symptomatique, qui résume tout ça, puis je m'arrêterai avec ça, c'est que le soir du 14 novembre, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ou pas, ou j'aurai d'autres, que j'ai dit il n'y a pas longtemps, le soir du 14 novembre, on a donc enlevé The Fiesta. Ah oui, ça vous l'avez dit. Je te l'ai dit tout ça. Oui, oui, oui. Et je t'ai dit le film qui est resté. Non, ça ne vous l'avez pas dit, c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant. On a enlevé The Fiesta et on a enlevé Danser avec les stars pour faire les attentats. Et pour que les gens se changent un petit peu l'esprit, on a gardé la programmation prévue sur la 3. Ça s'appelait Meurtre à la Rochelle. Voilà. C'est pas drôle. Et cette surenchère de violence qu'on a banalisée, elle est peut-être pour quelque chose, peut-être autant que les soi-disant prises de tête et radicalisation. Ces gamins, dans mon bouquin, j'ai écrit, il y a le gamin qui s'endort en disant « j'ai marqué 2500 points en bousillant 17 assaillants sur mon jeu vidéo ben, ». 89 morts dans un théâtre, ça fait combien de points quoi ? C'est terrible de penser ça. Mais on est tous responsables, moi le premier. Moi je trouve qu'on est tous responsables de laisser la violence contaminer tous nos écrans sans bouger, parce que les séries françaises le soir là en ce moment à la télé, si c'est pas un gamin qui est mort assassiné au bord d'un étang, c'est pas intéressant. Ah mais là vous parlez de Maigret, ça va encore. Non, je parle de Castle, je parle de toutes les séries où il y a des meurtres, des viols, des trucs, mais interminable. Alors, moi, j'ai une autre théorie qui consiste à dire, on va leur passer ça, parce que pendant ce temps-là, ils sont dans leur canapé, ils disent, on est au chaud. Et vous savez quoi, si on reparlait de spectacle, et notamment de rugby, que vous aimez, avec Samir Bouabi. Ouais. Un peu de rugby, oui. Donc 1m96, 118 kilos et une pointe de vitesse qui lui permettait de courir le 100 mètres en moins de 11 secondes. Je l'ai vu de près. Et vous l'avez bien connu. Je ne parle pas de Guillaume Meurice. Hein. Je parle de John Alomou. C'est à peu près ça, comme ça qu'on définit généralement le joueur de rugby mort ce 18 novembre à l'âge de 40 ans. Alors finalement, ça dit tout ou presque. Et on pourrait s'en tenir à cette compression de chiffres, à cette momification numérique. Le problème avec les génies, ben c'est que justement, on ne peut pas parler d'eux en alignant des stats, en se goinfrant de cette réalité comptable. Les génies sont au-dessus de leur discipline et ils la regardent de haut comme ils toisent les commentateurs lorsque ceux-ci tentent d'expliquer le geste, ce que l'esprit aura conçu depuis toujours. Parce que l'art dans le sport, ça existe et que pour l'appréhender, il est préférable de ne pas trop en savoir, cher Alex, tu as raison, un peu comme moi, c'est vrai. Hein. Il est préférable de rester candide, il est préférable de s'en tenir aux inspirations plutôt que de compter les foulées. John Alomou était donc un joueur de rugby néo-zélandais qui était le plus jeune joueur de son pays à porter le maillot des Blacks. Et au chapitre des records, disons que pour faire simple, il est le meilleur marqueur de tous les temps en Coupe du Monde avec 15 essais dans la même compétition. On peut en rester là et se dire que c'est énorme, comme gueulent certains spécialistes qui n'ont plus les mots hein, quand on parle de lui. Mais on peut aussi se pencher sur son berceau quelques secondes. Un jour de mai 1975 à Auckland. On peut alors compter les faits, détailler la finesse de leurs ailes, sonder leurs sourires, tenter de chercher une logique dans leur vol. Que dessine-t-elle dans le ciel de cet enfant qui devra bientôt souffrir sous la férule d'épines d'un père banalement violent. Il grandira en voyant sa mère pleurer, il retiendra son souffle, il crachera sur des terrains de rudesse, la bile à portée de bouche, et il fera mal, et il se fera du mal. C'est tout simple à raconter. Jonah devient l'Omou en faisant d'une rage primaire un élan complexe, fait de vitesse, de courbes surprenantes, d'arrêts soudains et de reprises improbables. L'Omou invente le rugby moderne, il devient un monstre d'intelligence. Sur le terrain, il décide. Il n'est pas assujetti aux lois tacites d'un jeu collectif. C'est facile pour lui, parce que le rugby, c'est lui. Chacun va jouer son jeu à lui, chacun s'adonnera à sa passion à lui, et chacun devra réapprendre à son contact. Mais sur un terrain de rugby, le temps vous manque pour apprendre, alors chacun perdra. Il n'y eut qu'un seul Lomou, et on sait depuis qu'avec deux comme ça, n'importe quelle équipe aurait tout gagné. Même Brive-la-Gaillarde, ça c'est sûr, Patrick Sébastien, vous serez d'accord avec moi. La trajectoire de Lomou est simple finalement. Au-delà de ses virages incontrôlables, elle va tout droit. C'est l'histoire d'un guerrier qui a labouré des champs de bataille, écrasé des colosses, fait peur à des dieux et qui meurt d'un caillot de sang tout petit, mais trop gros pour le cœur. Les géants meurent du cœur. Bah, que dire d'autre? Que le rugby est un sport de combat où la victoire est anecdotique? Oh, ce qui compte, c'est le courage et la solidarité. Oh, bah, je vous rassure, hein. Il y a aussi beaucoup d'abrutis qui jouent au rugby et qui mettent des claques à contre-temps. On va pas s'extasier sur les valeurs de l'Ovalie, hein. On va pas non plus s'inventer une douleur pour le mou. C'est trop tard, puis franchement, c'est pas le moment. Mais tout de même, ce joueur aurait fait aimer le rugby, pardon, à Nijinsky, à Nureyev et à Terziev parce qu'il était au-dessus du rugby, parce que le sport à ce niveau est une expression digne et rare, et qu'il est des hommes pour nous rappeler que l'impossible est une blague. John Alomou est donc mort ce 18 novembre à 40 ans après avoir fait de son sport une fête. Tiens, comme sur ce plateau nous avons un pro rugby, mais surtout un pro fête. Je me demande si ce joueur-là ne mérite pas une chanson, hein, pour sa troisième mi-temps. Vous seriez, à mon avis, l'homme de la situation. Une minute de silence, ça suffit. Merci Samir Bouadi pour cet hommage à votre manière. Ouais. Nous sommes avec Patrick Sébastien, nous avons une proposition à vous faire, Patrick, comme alors, tous les jours. Alors, à la fin de l'émission, on propose à l'invité de faire un sketch. Et oui, qu'on vous a écrit, qu'il découvre. Vous avez fait faire des sketchs à tellement de monde. Ah bah oui. Alors, si vous acceptez de jouer peut-être votre caricature, puisque dans 2 ans, on imagine que vous prenez la place de Laurence Bloch et vous devenez le nouveau patron de France Inter. La première réunion de programmation commence tout de suite. Donc, je dois me caricaturer moi-même. Faites comme vous voulez. C'est vrai, je dois dire que je n'étais pas forcément... Bonjour, monsieur Sébastien. Par le répertoire d'opéra. C'est à vous, Patrick Sébastien. C'est un truc dans les... Non, c'est le fond, c'est France Inter qui est dans le fond d'accord. Du bureau. Bon, ouais, ils essaient de m'empoisonner. Je dois dire que je n'étais pas... on parle d'opéra dans mes oreilles, mais arrêtez. Coupons le fond et on recommence. Bonjour, monsieur Sébastien. Bon, appelez-moi Patoche. Faut que je te le fasse. Hop, appelez-moi Patoche. Bonjour, monsieur Patoche. Nous, on pensait garder une bonne partie des programmes quand même. Non, je te coupe, ma chérie, on va modifier des choses. Très bien, c'est vous le chef. C'est ça. Alors pour le Masque et la plume. Oui, alors ça, c'est l'émission culte. Hein. Voilà, la plume, on pourrait la mettre ailleurs. Ah, où ça? Non, moi, je vois ce que M. Patoche veut dire. Oui, très bien, chérie. J'adore ce Jeff Connacle. Ah oui, mais ça, c'est un ventriloque, ça. Et alors, c'est pas un télé bobo, c'est pas assez un télé bobo pour France Inter, c'est ça? Non, pas du tout, mais enfin, disons qu'à la radio, c'est moins percutant. Ouais, on se rendra moins compte de son talent, c'est super, évident. On l'engage. Ce soir, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le nouveau rendez-vous. Parfait, le tout nouveau rendez-vous. Je veux une fanfare basque, le cirque de Moscou, des contorsionnistes chinois et un lanceur de couteau. Un lanceur de couteau nu. J'improvise, hein. Ouais, et on enregistre ça dans le bureau de Mathieu Gallet, qui va nous faire le danseur de couteau nu, au cas où on n'en avait pas besoin. On colle Mathieu sur sa paroi en bois. Ah ben, tu vois, j'ai improvisé avant de savoir ce qu'il avait écrit après. Voilà. Très bien. Et vous lancez les couteaux autour. Bah, génial, monsieur Patoche. Ouais, pour la matinale, on garde Patrick Cohen, Léa Salamé. Ah, Patrick, j'adore ce prénom. Ouais, d'accord. Et Léa? J'aimerais même la faire. Non, c'est pas j'adore ce décolleté. C'était quasi le texte. Donc on les garde, les deux? Non. Ah ben, mais qui a la place? Yves Mourouzi et Marie-Laure Gris. Mais Yves Mourouzi, il est mort depuis 15 ans au moins. Très bien, ça fera plus de temps de parole pour Marie-Laure, je l'adore. Très bien, très bien. Je suis imitateur encore. Il reste l'après-midi. Ah, si tu écoutes, j'annule tout. J'ai jamais écouté, mais j'annule quand même. Bah, on met quoi à la place? Bah, les gens qui rentrent du boulot, les gens, ils ont envie de se marrer. Bah, c'est l'idée de l'émission quand même. Et puis on y parle le sujet d'actu. Ah non, on parle. Non, mais c'est de la radio. Alors, je propose qu'on diffuse en boucle le rire de mon pote Cyril Hanouna pendant une heure non-stop. Oui, alors ça, c'est peut-être beaucoup de changements d'un coup pour nos auditeurs. C'est quoi le slogan d'Inter? Écoutez la différence. Ah ben, je peux vous dire qu'avec moi, ils vont l'entendre, la différence. Tiens, j'ai été bon quand même. Vous faites un excellent Patrick Sébastien. J'ai joué le jeu, quoi. Bon, on n'attendait pas Patrick Sébastien qui imite Patrick Sébastien, c'est l'autodérision. Tu sais qu'en plus, j'écoute le masque et la plume régulièrement. Quand je suis dans ma voiture, je remonte de Brive souvent. Et puis, comme je parle d'un écouteur... Qui a fêté ses 60 ans hier. J'adore le... Parce que même quand c'est de mauvaise foi, c'est intéressant. En fait, non, c'est vrai, c'est depuis hyper longtemps d'être invité à France Inter. Non, mais tu sais qu'à un moment, je voulais me débrouiller pour aller dans le public du masque et la plume. Sans être connu pour assister au truc, parce que tu sais, je suis curieux et ce monde-là, c'est pas le mien, tu vois, mais il m'intéresse parce qu'il y a de la vraie intelligence. On était ravis de vous avoir avec nous, Patrick Sébastien. Merci beaucoup. Aussi, nouvel album, ça va bouger. Puis votre émission, le cabaret sur son 31. Vous inquiétez pas pour mon album, ceux qui nous écoutaient. Vous pouvez essayer en anxiolytique, c'est pas mal. Et puis le cabaret le 31. Non, c'était un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup, Patrick. On a passé un bon moment. Allez, le mot de la fin à la réaction de BFM quand ils sont aperçus que les médias belges avaient cessé toute information. Nous essayons de faire notre métier de journaliste le plus consciencieusement du monde. Que ce n'est pas un métier, c'est plutôt un sacerdoce. C'est tellement bon de rire parfois aussi.